钱。啊。J'ai pas signé chez moi, merci Colombe des Mafia. J'ai ma carte au trésor dessiné comme tes sourcils. J'ai des couillons, prends tout ton terrain, c'est la douille. T'es pisté, j'ai remonté la queue, pense 5 jours dans la voiture, poto, j'suis pas pressé. Quitte Allah et Rahamo, il est mort comme un homme, regret et condoléances adressées. À peine le 17 quand y'a du grabuge, capuche la coste, tes clients de la poste agressée. J'ai sorti les skills terrain et glissant, hey, j'ai pas vite à 10 ans pour finir à l'essai. Le courant pas baissé, fermez tous vos gueules tant qu'un poucard n'est pas blessé. Le show n'est pas encore fini, comme une Lamborghini j'ai le moral rabaissé. Pas besoin d'acquiescer, pousse-toi de la connard ça va finir en AVC. Tiens ça t'a pas laissé, chacun sa cale ici, ton père le VTC. Un œuf sort du chapeau, un fût qui sort de la moire. Tellement des grosses mères, j'pourrais les viser dans le noir. Un œuf sort du chapeau, un fût qui sort de l'armoire. Tellement des grosses mères, j'pourrais les viser dans le noir. Voilà, voilà, voilà. Y'a tout le monde qui sort, mais. Voilà, voilà, voilà. Les bombiers qui sortent, yeah. Les ennemis sont de sang. Y'a l'équipe qui sort, yeah. Voilà, voilà, voilà. Y'a tout le monde qui sort, mais. Réseau bluffé, j'ai pas le million, j'ai plus de pilon, je les ai refait monter, y'a les condés, c'est la merde. Kenzo, pas la prison, Kala, bagarre, crochet, j'ai pas de projet, voilà, tu vas danser, la soul, la soul, c'est la merde. La France nous a pas laissé rentrer dans l'idée de voir les invités vider toutes les CB. Recette de cuisine manicolée, le blague dit qu'on peut cacher le cadavre dans PGP. Pas venu guignoler, coton j'ai des plans machiavéliques à fignoler. En noir, en blanc, t'as avec lui, je les regarde en violet. Gang des Lyonnais, l'alcool c'est de l'eau, le queue crassé du riolet. Maman est en haut, faisait du gâteau, papa tout en bas, les armes bricolées. Principe picolet, les clients dans la cité sont perdus, guide-les. Transac toujours armé, je suis chargé au fond du wagon, si tu vois les dragons, vise-les. Un œuf sort du chapeau, un fût qui sort de la moire. Tellement des grosses mères, j'pourrais les viser dans le noir. Un œuf sort du chapeau, un fût qui sort de l'armoire. Tellement des grosses mères, j'pourrais les viser dans le noir.